j'ai besoin de toi. Je suis seule ce soir, emmène-moi. J'ai besoin de toi. Je suis seule ce soir, enlève-moi. Ton regard, ton sourire me font trop languir. L'odeur de ta peau, j'en suis accro. Embrasse-moi doucement, serre-moi tendrement. De plus en plus fort, je t'aime encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je suis seule ce soir. Emmène-moi. Mon